Page 67. Activité 6. Piste 57. A. Je suis grand. Tu es grande. Nous sommes grands tous les deux. B. Je fais deux petits dessins. Avec un petit crayon et une petite gomme.